T'as besoin de rien? Dis, j'ai rien pour toi. خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تكملة لباب سابق عندما قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل فبين لنا ما هو العلم وما ينبغي أن يكون عليه سعيا والتماسا وانضباطا وارتباطا يكون صاحبه يكون العلم ميزانه ولسانه به ينطق وبه يرى الأمور تكون الموازن العلمية والشرعية تجعله يقبل على الخير ويدبر على ما هو الشر ويحكم على الأشياء بما عليها وإدراكها على حقيقتها وفسادا وعلامة فسادها ونفعها بأدلتها فيقول الله عز وجل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم فبمجرد تفكيرك وتقريرك وشهوتك وخاصة نفسك قد تقر شيئا وهو يضرك وأنت تعلم وقد تدبر وتمتنع عن شيء ولو كنت تعلم إذن حتى لا يفوتك العلم أو لا يفوتك الخير ولا يصيبك الشر، فلابد أن يكون دليلك العلم. يقول الله سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلذا علينا جميعا أن نتعلم ثم أن نعمل بما علمنا. فلذا صدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: العلم قبل القول والعمل، فتعلم مطلوب أولا. العلم يبنى عليه القول والعمل، فبالعلم يكون القول سديدا، وبالعلم يكون العمل على الصواب. فبدون العلم يكون في القول والعمل فيه خلل، فهذا كله يدل على أهمية العلم والاشتغال به. فعلى الإنسان أن يتعلم ثم أن يعمل بهذا العلم. البخاري رحمه الله تعالى dans le chapitre précédent a dit, chapitre « La science avant la parole et l'acte ». Donc ce qu'on va mentionner, c'est pour compléter, pour conclure ce qu'on a vu précédemment. Donc, lorsque Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit, chapitre, la science avant la parole et l'acte. Ici, Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il nous a mis en évidence la science, le degré de science, et ce qu'il convient à l'individu concernant la science, c'est-à-dire qu'il doit tout d'abord donc s'efforcer, faire des efforts, il doit rechercher la science, il doit être discipliné dans la recherche de la science, et il doit être toujours lié à la science. Et donc, la science, il faut qu'elle soit un critère pour l'individu. Il faut que la science soit sa langue par laquelle il parlera. Et aussi, par la science, il jugera des choses, il verra des choses. Les critères scientifiques et religieux feront que la personne accomplira du bien et qu'il s'écartera du mal. Et de même, la personne, par la science, elle jugera les choses selon leur réalité et elle comprendra la réalité des choses. Et aussi, la personne, par la science, cela sera un indice pour lui de connaître si la chose en question est un bien pour lui ou est un mal pour lui, tout en connaissant les preuves en cela. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit: on craint, ou il se peut que vous répugniez une chose alors que c'est un bien pour vous. Il se peut que vous aimez une chose alors que c'est un mal pour vous. Et donc l'individu, simplement, simplement, par sa pensée ou par son approbation ou même en suivant ses passions, ses désirs, en suivant sa personne, il se peut qu'il va approuver une chose, alors que cette chose, il y a un mal pour lui. Et de même, il se peut que la personne, elle va se priver, elle va s'interdire d'une chose, alors que cette chose est profitable pour elle. Et donc, afin que la personne, le bien ne lui échappe pas et qu'il ne commette pas de mal, il lui convient, et c'est une obligation, que sa preuve est la science. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Allah sait et vous, vous ne savez point. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit également: certes Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne savez rien. Et donc il nous convient à tous qu'on apprenne, qu'on s'adonne à la science, et puis qu'on mette en pratique cette science qu'on a reçue. Et c'est pour cela que Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit, chapitre, la science avant la parole et l'acte. La parole et l'acte. Et donc, le premier point, à quoi doit suivre l'individu, c'est la science. Il doit rechercher la science, car l'acte et la parole découlent de la science, sont basés sur la science. Par la science, l'acte sera juste, ou la parole sera juste, et l'acte sera conforme. Mais sans science, on trouvera des défauts, des failles dans les propos que dira l'individu et même les actes qu'il accomplira. Et donc, tout cela pour nous indiquer, pour nous montrer l'importance de la science et que l'individu, que le croyant, doit s'y adonner, c'est-à-dire apprendre et ensuite de mettre en pratique ce qu'il a appris. فالآن ننتقل إلى الباب التالي. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو أمير المؤمنين في الحديث: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى حديثا آخر فقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو تياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ففي حادث ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا. ففي هذا الحديث فيه مشروعية التخول بالموعظة، ومعنى التخول كما قال أهل العلم هو التعاهد والتفقد والتحسس بالأحوال، هذا هو معنى يتخول، أي يتحرى الأيام، يعظ فيها فلا يكثر عليهم خوفا من السامة أو الملل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم أي الصحابة بالموعظة بين حين والآخر، فلا يجعلها في كل وقت على سبيل التتابع المستمر خشية الملل أو السامة وخشية أن ينفروا أي يملوا من التكرار للموعظة المتواصلة، فيكون ذلك سببا في حرمان العلم. Donc ici, Al-Bukhari, رحمه الله تعالى, a dit, chapitre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait des moments ou des jours pour exhorter, pour les exhorter et pour leur dispenser la science afin de ne point les repousser ou afin qu'ils n'aient point d'aversion. Ensuite, Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a cité deux hadiths. Le premier hadith, c'est le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous choisissait des jours pour l'exhortation, de peur de la lassitude. C'est le premier hadith. Le deuxième hadith, Al-Bukhari, rahimahullah, a cité, d'après le compagnon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit facilitez ou rendez les choses faciles et ne rendez pas les choses difficiles. Soyez annonciateurs de bonnes nouvelles et ne faites pas fuir ou ne repoussez pas. Donc ici, dans le premier hadith, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous choisissait des jours pour l'exhortation, de peur de la lassitude. Donc ici, c'est une preuve, donc ce hadith, de la légitimité de choisir des moments afin d'exhorter. C'est-à-dire que celui qui va exhorter les gens il doit être attentif, veiller sur la situation des gens. Et il doit choisir des moments opportuns pour les exhorter. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc il choisissait des jours, des moments, afin d'exhorter les compagnons. Et il ne multipliait pas ses exhortations, de peur que les compagnons se lassent. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il choisissait donc des moments afin d'exhorter les compagnons. Il ne faisait pas ou ne multipliait pas les exhortations à tout moment, sans interruption, de peur que les compagnons se lassent et de peur que les compagnons donc repoussent et s'enfuient, et que les compagnons se lassent de la répétition des exhortations continues. Et cela pouvait être une cause de la privation de la science. فَالْعِلْمُ يُجْتَهَدُ لِلْوُصُولِ إِلَيْهِ وَيَكُونُ حِينَ تَأْسِهِ إِلَيْهِ نَشَاطًا وَاِحْتِمَامًا وَعِنَايَةً فَلَا يَكُونُ الْاِسْتِمْرَارُ فَقَدْ يَحْصُلُ الْمَلَلُ وَالنُّفُورُ فَيُذَكِّرُهُمْ وَيَعِظُهُمْ فِي مُنَاسَبَاتٍ. Donc concernant la science, pour l'acquérir, elle demande beaucoup d'efforts. Et lorsque la personne donc s'adonne à la science, lorsqu'il va donc s'adonner à la science, la personne, elle sera active, elle attachera de l'importance et elle prêtera de l'attention au moment où elle va donc recueillir la science. Et donc il ne faut pas dispenser à l'étudiant la science d'une manière continue, sans interruption. Car l'étudiant, il va se lasser et peut-être même il va s'enfuir. Et donc il convient au prêcheur, à la personne de science, qu'il fait un rappel, qu'il exhorte les gens dans certaines occasions. فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَفِيقًا بِأَصْحَابِهِ فَيَحْرِسُ عَلَى مَا يَنْفَعُهُ وَيَحْرِسُ عَلَى مَا صَالِحِهِ وَيَرْفَعُ كُلَّ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ وَمَا يَضُرُّهُ بهذا يقول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يشق عليه ما يشق عليكم ويحرجه ما يحرجكم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع دائما هذه المشقة فنذكر على سبيل المثال حديثين الحديث الأول هو في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما والحديث الثاني هو في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفي السنن أبي داود رحمه الله تعالى وفي السنن ابن ماجه رحمه الله تعالى. الحادث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى نصف الليل، وجاء في رواية إلى ثلث الليل. للبروفيت صلى الله عليه وسلم était bienveillant. Il était doux envers ses compagnons. Et il était désireux tout ce qui allait profiter aux compagnons. Et il regardait les intérêts des compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui pouvait être difficile et tout ce qui pouvait nuire aux compagnons, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en écartait. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a décrit, le messager sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est mentionné dans Sourate Al-Tawbah, lorsque Allah azza wa jalla a dit, certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pesaient lourd les difficultés que vous subissiez. Et il était plein de sollicitude pour vous. Et il était compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui posaient difficulté aux compagnons, lui posaient lourd. Et ceux qui mettaient dans la gêne les compagnons, le mettaient également dans la gêne. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, toujours, il veillait à dissiper les difficultés. Pour citer, concernant ce point, deux exemples. Donc on va citer deux exemples concernant ce point, montrant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était attentif et bienveillant envers sa communauté. Le premier hadith a été mentionné par Al-Bukhari dans son Sahih, et également Muslim dans son Sahih et par d'autres. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je ne craignais pas de mettre dans la gêne ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak pour chaque ablution. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que cela allait être difficile pour sa communauté, il ne l'a pas imposé. Et deuxième exemple, le hadith a été rapporté par Ahmed, l'imam Ahmed dans son Musnad, par Abu Daoud dans son Sunan, par Ibn Majah dans son Sunan également. C'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je ne craignais pas de mettre ma communauté dans la gêne, je leur aurais ordonné de reculer ou de retarder la prière de l'Isha jusqu'à la moitié de la nuit. Et dans une variante, jusqu'au premier tiers. فقال البخاري رحمه الله تعالى باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوله من الموعظة والعلم كي لا ينفر. فهنا في هذه الترجمة ذكر البخاري رحمه الله الموعظة والعلم، فما هي الموعظة وما هو العلم؟ فالموعظة علم، وليس كل علم موعظة. الموعظة هي ما تحرك النفوس والقلوب، والعلم أعم من ذلك، فالعلم أوسع من الموعظة، لأن العلم يقتضي النصيحة والموعظة والبيانات والخطبة والإعلان. وأما الموعظة فهي تؤثر النفوس وترقق القلوب، كما جاء في جامع الترمذي وفي سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد من حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه. Et donc ici, Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a dit, chapitre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait des moments pour l'exhortation et la science. Et donc ici, dans le titre qu'a donné Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, concernant ce chapitre, il a mentionné l'exhortation et la science. Donc, qu'est-ce que l'exhortation et qu'est-ce que la science? L'exhortation est de la science. Mais toute science n'est pas une exhortation. L'exhortation est ce qui agite ou remue les âmes et les cœurs. Et la science a un terme plus général que l'exhortation. La science, donc, a un terme plus général que l'exhortation. La science englobe le conseil. Elle englobe l'exhortation. Elle englobe le prêche, l'annonce et autres. Mais l'exhortation, c'est ce qui va influencer les âmes ou qui va toucher les âmes. Et c'est également l'exhortation est ce qui va attendrir les cœurs. Et cela est mis en évidence dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud dans son Sunan, et par Ibn Majah également dans son Sunan, et par At-Tirmidhi dans son livre Al-Jami', et également aussi par Imam Ahmed dans son Musnad. C'est le hadith de Al-Irban ibn Sariya, radiallahu anhu, qui a dit: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا يا رسول الله كأنها موعظة مودة فأوصينا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فهنا عيونهم تدمع من الخشية التي حصلت بالموعظة الحسنة. Et donc la preuve, c'est le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, radiallahu anhu. Ce hadith, donc, est authentique. Il est rapporté par Abu Daoud, par Tirmidhi ibn Majah et Imam Ahmed, rahimahumullah jami'a, qui a dit, le compagnon a dit, donc Al-Irbad ibn Sariya, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a tenu un sermon qui a été si expressif que nos cœurs ont frémi et que de nos yeux s'est déversé des larmes. Nous avons dit, ô messager d'Allah, c'est comme si tu nous tenais le dernier de tes sermons. Recommande-nous. Fais-nous des recommandations. Et là, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je vous recommande la piété. Et ensuite, il a dit, l'écoute et l'obéissance. Et même si vous êtes commandé par un esclave, ici, dans ce hadith, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je vous recommande la piété et je vous recommande l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Ici, comme l'ont dit les gens de science, comme Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahab al-Aqil, hafizahallah ta'ala, qui est un Cheikh qui se trouve à Médine, et dont ce shir, les grands savants ont fait éloge de lui. Parmi ces grands savants, Shir Ahmed Najmi, rahimahullah ta'ala, ce shir, qu'Allah le protège et le préserve, a dit, si le messager sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à sa communauté la piété, il a recommandé à sa communauté l'écoute et l'obéissance. C'est concernant deux points. Ces deux points, le premier point concerne les shahawat. Les shahawat, ce sont les choses mauvaises à laquelle l'âme désire. Et le deuxième point concerne les shubuhat. Les shubuhat, les choses équivoques. Et les shubuhat concernent la croyance. Ces deux points, ici, shahawat et shubuhat, ici, ceux-là, ces deux points, se trouve le plus chez les jeunes. Les jeunes, soit ils ont tendance à suivre leur passion, les choses mauvaises, en s'adonnant à des actes de désobéissance, que ce soit de boire de l'alcool, ou la fornication et autres, ou soit ils se dirigent, quand ils mettent en pratique la religion, ils se dirigent vers le point de croyance, ils dévient dans un point de croyance, qui est l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Parmi les points de croyance, comme cela a été mentionné dans le livre de croyance, que ce soit Al-Iban al-Batta, ou Shah Usul al-I'tiqad al-Lakai, ou que ce soit Al-Sunna li-Abdillah ibn Ahmed, ou que ce soit Shah Sunna al-Bahbahari, et autres livres de croyance. Parmi nos points de croyance, c'est qu'on doit écouter et obéir au gouverneur. Que ce gouverneur soit pieux ou que ce gouverneur soit désobéissant. Et donc, les jeunes ont tendance à se diriger vers ce point, c'est-à-dire à ne point écouter, à ne point obéir au gouverneur. Et donc, regardez ce qui se passe dans le monde, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Égypte, que ce soit en Syrie, de partout, les jeunes ne veulent pas écouter et suivre les directives de la législation. Et donc, ils se sont adonnés à une grande désobéissance de sortir contre les dirigeants. Et donc, ici, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé sa communauté de ne point tomber dans ces deux cas, qui est de s'adonner aux actes de désobéissance et de sortir contre le dirigeant musulman. Et donc, ensuite, c'est pour cela que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, est celui qui vivra après moi. Il verra de nombreuses divergences. Le sens que l'on dit des grands savants, comme Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire des points de divergence concernant la croyance. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le remède en nous disant, donc celui qui verra, ou celui qui vivra après moi, verra de nombreux troubles. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le remède en disant, je vous recommande fortement ma sunna. Et comme l'a dit également Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, le sens de la sunna ici, هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. C'est le chemin que suivait le prophète صلى الله عليه وسلم. C'est ce qu'on appelle dans les livres de l'Aqida le manhaj, le chemin, la méthode, le suivi du prophète صلى الله عليه وسلم. Et il nous a dit également de suivre, il nous a recommandé donc sa sunna et la sunna de ces califes qui suivaient le bon chemin et qui étaient bien guidés. Et il nous a dit de nous y accrocher et d'y mordre à pleines dents. Et il nous a mis en garde contre les choses nouvelles dans la religion. Et les choses nouvelles dans la religion sont les innovations. Et il a dit, toute innovation est un égarement. Et donc de ce hadith, les compagnons ont déversé des larmes et ces larmes ont été causées par la crainte qui est survenue de cette exhortation, de cette bonne exhortation. Idhan fal-ilm awsa'u min al-maw'idati fal-ilm yakunu في أمور الرقائق أو الرقاق أو الزهد أو في الأحكام في في العبادات في المعاملات. فهنا عندما ذكر البخاري رحمه الله تعالى بالموعظة والعلم، فهنا الموعظة عطف العام على الخاص للعلم، لأن الموعظة جزء من العلم. Et donc, ici, la science, un terme plus général que l'exhortation, la science, elle englobe les points de ceux, des points concernant ce qui attendrit les cœurs. Elle comprend aussi les statuts, les jugements, que ce soit dans les adorations, que ce soit dans les relations entre les humains. Et donc ici, lorsque le Bukhari, rahimahullah ta'ala, a mentionné dans le titre qu'il a donné au chapitre, l'exhortation et la science. Ici, il y a une coordination entre la science et l'exhortation. Et cela pour montrer que l'exhortation est une partie de la science. Est une partie de la science. فالموعظة غير التدريس والتنظيم تحصيله بقراءة الكتب وأخذ المسائل، وإنما الموعظة تذكير والترغيب والترهيب ليستبشروا ويخافوا. يستبشرون بالخير من النصوص الوعد من القرآن الكريم وسنة المطهرة، فيرهبون من نصوص الوعيد التي لا تخلو منها موعظة واعظ ولا خطبة خطيب ولا تذكرة مذكر ولا نصيحة ناصح. Et donc, l'exhortation, ce n'est pas un enseignement, des cours, où il y aura une organisation pour dispenser la science en lisant des livres, ou bien en lisant des livres et en obtenant les points, les jugements qui sont mentionnés dans les livres. Mais seulement, l'exhortation, c'est un rappel. C'est un rappel. Ce rappel, c'est pour citer, pour mentionner aux gens d'accomplir des actes où il y aura récompense. C'est pour les inciter, les encourager à accomplir des actes où il y a récompense. Et aussi, c'est pour les dissuader d'accomplir des actes où il y a châtiment et punition, afin que les gens se réjouissent et afin que les gens ont peur. Et donc, ils vont se réjouir du bien qu'ils trouveront dans les textes mentionnés dans le nombre du Coran, les textes mentionnés dans la sunna pure. Et ils vont redouter, et ils vont craindre, lorsqu'ils vont lire les textes où se trouvent, ou lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué, a mentionné, et également son messager sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui s'adonne à tel et tel acte, il y aura punition et châtiment. Et donc, il ne faut pas que celui qui va exhorter les gens ou qui va prêcher, faire un prêche du vendredi, ou bien qui va faire un rappel, ou même qui va donner un conseil, il ne faut pas que... Il ne faut pas que ceux qui vont donc soit prêcher, soit dispenser des cours, donner des conseils, il ne faut pas que leur prêche, leur discours soit vacant de cela. Wa وأما إلقاء الدروس وتلقيها فجدير أن تستمر في كل وقت وحين بحسب طاقة المتلقي أو بحسب طاقة المعلم، فتستمر ليلا ونهارا وشهورا وأعواما، ولا يحرز العلم ولا يبلغ طالب العلم مبلغا جيدا كرتبة الاجتهاد والقدرة على الاستنباطات إلا بالمواصلة في طالب العلم وعدم الانقطاع، فلا تكفي موعظة في يوم من الأسبوع لتحصيل العلم. Et donc, quand tu as dispensé des cours, et donc les étudiants vont venir pour apprendre la science, il faut que cela se poursuive à tout instant, à tout moment, selon bien sûr la capacité de l'enseignant et selon la capacité de celui qui viendra rechercher la science. Et il faut donc que cela perdure, se poursuive, jour et nuit, tous les mois et même toutes les années. Car l'obtention de la science est que celui qui recherche la science ne pourra atteindre un degré équivalent à celui qui pourra donner des avis juridiques, c'est-à-dire des fatwas, ou bien celui qui pourra extraire les textes religieux, des statuts des jugements, que si il est assidu, que si il perdure dans la recherche de la science. Et donc, une exhortation, simplement dans la semaine, ou un cours pendant la semaine, plutôt. Cela ne peut suffire pour obtenir la science. والملحوظ أن الموعظة شيء وأن تحصيل العلم لإطلاع على فنون العلم كالتفسير وأصوله والحديث وعلومه والفقه وأصوله وقواعده والعقيدة الإسلامية ومعرفة ما يضدها من العقائد الفاسدة وأيضا السيرة النبوية، فهذه تحتاج إلى أوقات طويلة حتى يحرز طالب العلم منها النصيب الوفير من العلم. Une remarque. On a vu que qu'est-ce qu'était l'exhortation. Donc que l'exhortation est une chose et que l'obtention de la science, que celui qui désire prendre connaissance des sciences, des diverses matières scientifiques, que ce soit le tafsir et les bases du tafsir, que ce soit le fiqh, que ce soit les bases du fiqh et les règles du fiqh. Le fiqh, c'est la science concernant les adorations et les relations, et également le hadith et les sciences du hadith, et également la croyance islamique, et de connaître également tout ce qui s'oppose à la croyance islamique parmi les croyances erronées, et également la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout cela nécessite beaucoup de temps afin que celui qui recherche la science l'obtienne. Et donc, pour l'obtenir, il lui convient donc de s'adonner à la science à tout instant. والحاصل أن الموعظة من السنة أن يتخون بها الواحد قومه والتحصيل العلم وأما تحصيل العلم وتعليم الناس فقه دين الإسلام فهم في أماس الحاجة بالمواصلة حتى يحرزوا أو يحرزوا من العلم نصيبا وافرا. Et donc, concernant l'exhortation fait partie de la sunna. Exhorter les gens fait partie de la sunna. Ce n'est point une innovation, mais plutôt fait partie de la sunna. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait. Et donc, il suffit à une personne simplement de rechercher des moments afin d'exhorter son peuple. Mais contrairement à l'obtention de la science, et que enseigner aux gens la compréhension de la religion, cela, les gens sont d'un besoin urgent. Que cela se poursuive, afin qu'ils obtiennent une part, une grande part de la science. فهذان الحديثان يتضمن حظا معلم أن ينظر أحوال طلابه وكذلك الإمام أن ينظر أحوال المأمومين وإذا كان تعود التدريس أو تدريسهم فالناس لهم أحوال ينشطون لقلة مشاغلهم وفراغهم فيكونون مستعدين لتلقي المسائل العلمية وإن كثرت وأحيانا يفطرون فليس لهم استعداد لأي شيء لما حدث لهم من الحوادث أو عوارض تعرض لهم وأحيانا فهم مستعدون ولكن ليس الاستعداد الكبير فالحاذق من المعلمين الذين يعلمون الناس لا سيما السنة أن يرفق بحاضره وسماعه حتى لا يمل فالمستمع إذا مل لا يستوعب شيئا. Et donc ici ces deux hadiths qu'a mentionné Al-Bukhari rahimahullah ta'ala englobent la part où sont destinés à l'enseignant, que l'enseignant doit regarder la situation de ses étudiants et également l'imam, celui qui dirige la prière ou qui fait le prêche, qui donne des cours. Il doit également veiller, regarder la situation des fidèles. Donc si il a l'habitude de leur enseigner, il sait que les gens ont différentes situations. Il y aura des situations où les gens seront actifs, c'est-à-dire actifs, à réceptionner la science du fait qu'ils ne travaillent pas ou qu'ils ont du temps libre. Ils pourront recevoir la science, les points de science, et même s'ils sont nombreux. Mais parfois, les gens se relâchent. Ils n'ont point ou ne sont point disposés à accueillir la science du fait qu'il aurait survenu un incident ou bien qu'ils ont été pris par tel et tel événement. Et parfois, les gens, ils sont disposés, mais leur disposition n'est pas complète. Alors, celui qui enseigne les gens, il doit être clairvoyant, habile, et il doit être doux, bienveillant envers ceux qui sont présents et envers ceux qui écoutent la science, afin qu'ils ne se lassent pas de la science. Car celui qui écoute, s'il se lasse, il ne saisira rien. فهنا الحديث الأول عندما قال عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا. فحديث عبد الله بن مسعود له قصة أنه كان يعيذ أهل الكوفة يوم كان أميرا عليهم كل الخميس، فقيل يا أبا عبد الرحمن ألا تزيدنا؟ فقال له إني كنت أتخولكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا كراهة السمة علينا. Et donc le premier hadith, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, il y a une histoire concernant ce hadith. C'est que Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il exhortait les habitants de Koufa. Koufa est une ville en Irak. Lorsqu'il était l'émir de cette contrée, il les exhortait chaque jeudi. Et parmi eux, il y a une personne qui est venue vers Abdullah ibn Mas'ud et lui a dit « Oh, Abu Abdurrahman, c'est sa kunya. » Il lui a dit « Pourquoi ne nous exhorteras-tu pas plus souvent ?» Il demandait que Abdullah ibn Mas'ud les exhorte plus. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu à Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu ? Il lui a dit « Certes, je choisis des moments pour vous exhorter, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait des moments pour vous exhorter, afin qu'on ne s'en lasse pas. » وأما الحديث الثاني فهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. فهنا هذا الحديث كله شاهد. وكيف ذلك؟ فمن أثقل على سامعه واستقضب جميع حالته فيكون معاصرا عليه ومنفرا له. فلهذا ذكر بعض أهل العلم قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وأن موسى عليه السلام وعظ الناس فلما تهيجوا وباكوا أوقف الموعظة، فقال أهل العلم: يستحب للواعظ أن يدع الناس في حال نشاطهم حتى لا يملوا ويثقل عليهم بالموعظة. Et donc le deuxième hadith, le hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rendez les choses faciles, facilitez, et ne rendez pas les choses difficiles. Et soyez annonciateurs de bonnes nouvelles, et ne repoussez pas les gens, ou ne faites pas fuir les gens. Et donc, ici, on peut se poser la question: quelle est la relation entre la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le titre qu'a donné Al-Bukhari rahimahullah à ce chapitre? Donc comme ont répondu les gens de science, parmi eux Cheikh Ubayd ibn Abdullah al-Jabiri hafidhahullah ta'ala, le sens est que celui qui va surcharger ceux qui écoutent, ceux qui veulent apprendre la science, et qui va prendre la totalité de leur temps, alors les gens vont s'en lasser. Et par cela, il sera une chose où leur a été un moyen difficile pour les gens. Et il leur a été un moyen ayant fait fuir les gens, en ayant repoussé les gens de la science. Donc ceci est ce qu'ont mentionné les gens de science. Et ils se sont argumentés par le récit de Moussa alayhi salam avec Al-Khadir. Al-Khadir est un récit connu. Son récit, vous pouvez le trouver dans Surat Al-Kahf, dont Moussa alayhi salam pensait qu'il était celui qui avait le plus de science selon sa connaissance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré qu'il y avait une autre personne qui avait de la science que Moussa alayhi salam ne détenait pas. Et cette personne, elle s'appelle Al-Khadir. Et Al-Khadir, le récit est mentionné dans Sahih al-Bukhari et d'autres, et également aussi vous pouvez trouver le récit dans Surat al-Kahf. Et donc, lorsque Moussa alayhi salam avait exhorté les gens, donc ils se sont mis à s'agiter. Et même parmi eux, certains ont pleuré. Et lorsqu'il a vu cela, Moussa alayhi salam, il a arrêté de les exhorter. Du fait que les gens, donc, n'étaient plus disposés à écouter. Et donc c'est pour cela que les gens de science ont dit qu'il est permis ou il est plaisant à celui qui exhorte de délaisser les gens, c'est-à-dire de les laisser lorsqu'il les voit, lorsqu'il voit les gens en pleine activité, c'est-à-dire s'ils sont occupés, afin qu'ils ne se lassent pas. Il ne faut pas que la personne donc, soit donc une surcharge pour les personnes. فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسر، فالمعنى الشيء الذي فيه يسر وجاء به الشريعة فإنه يرشده ويدل عليه وليس التهاون بالأحكام ثم تترك بحجة طلب التيسير، وإنما التيسير هو مأخوذ في الشريعة والعمل بما جاءت به. دون أن يترك أو تترك الأحكام بطلب التيسير. Et donc ici, un point important. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Rendez les choses faciles, facilitez. » La compréhension de cette parole, comme l'ont mentionné les savants, comme parmi eux, Cheikh Abdul Muhsin al-Abdel, hafidhahullah ta'ala, le sens de cette parole est, c'est-à-dire une chose où il y a facilité, qui a été mentionnée dans la législation, et que cette législation l'a indiqué. Et ce n'est pas d'être négligent, le sens ce n'est pas d'être négligent envers les statuts, les jugements de la législation, au point qu'on va les délaisser du fait qu'on recherche la facilité. C'est-à-dire, exemple, maintenant, la législation est venue avec des statuts où il y a facilité pour les gens. Comme par exemple, lors des ablutions, passer les mains mouillées sur les khoufs ou les chaussettes ou les chaussures. Ou bien lorsqu'on part en voyage, d'écourter les prières, de regrouper les prières et autres. Que celui qui est malade, utiliser les ablutions sèches si l'eau va le nuire. Donc tout ça, ce sont des facilités. Et donc c'est ça le sens. Mais ce n'est pas de quoi de délaisser, de négliger les statuts, les jugements, en demandant la facilité, en recherchant la facilité. ثم عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعسر ولا تعسر فهنا تأكيد للتيسير ومقابل التيسير. Et lorsque ici le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit et ne rendez pas les choses difficiles, c'est ici ce qui vient accentuer, intensifier la facilité et qui vient s'opposer à la facilité. C'est-à-dire que maintenant, celui qui prêche, il doit montrer, il doit mettre en évidence les points par lesquels est venue la législation, où il y a facilité. Il ne doit pas cacher cela. Il ne doit pas, par exemple, pour prendre un exemple, dire aux gens que si maintenant il y a un froid extrême, et dire aux gens qu'il vous est obligatoire, lors de l'ablution, de laver vos pieds. Alors qu'il y a une facilité qui est de passer les mains mouillées sur les chaussettes et les chaussures. Donc il ne faut pas qu'ils rendent difficile, au contraire, il doit leur faciliter. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشروا أي لا يحصل منهما الشيء يجعل الناس يفرون عن الحق بل يبشرونهم بالخير ويدلونهم عليه ولا يعني ذلك أننا أو أنهم يراقبونهم بالأحاديث التي فيه الوعد فقط بل لابد من مراعاة النصوص التي فيه الوعد والوعيد فلهذا جمع الله بينهما يقول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار في جحيم ويقول أيضا الله سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني غفور رحيم وأن عذابي هو عذاب أليم ف فجمع الله سبحانه وتعالى بين الترغيب والترهيب. Et donc ici, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi en disant « Et soyez annonciateurs de bonnes nouvelles », c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on incite les gens à accomplir des choses afin qu'ils vont s'écarter de la vérité. Mais plutôt le sens, c'est qu'on doit leur annoncer des bonnes nouvelles concernant le bien et les indiquer, ce qui a été mentionné dans la législation. Cela ne signifie pas simplement qu'on doit simplement évoquer aux gens des ahadiths montrant que si on accomplit tel et tel acte, il y a récompense. Il faut également veiller à mentionner aux gens les textes où a été indiqué que celui qui accomplit tel et tel acte aura récompense et que celui qui accomplit tel et tel acte aura châtiment et punition. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il regroupait ces deux points. Ces deux points, les savants les nomment ou les nomment at-targhib wa at-tarhib. C'est-à-dire qu'on annonce aux gens, on leur mentionne des actes que s'ils les accomplissent, ils auront récompense. Et aussi, on leur mentionne des actes que s'ils les accomplissent, ils auront châtiment. Et beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa parole, il regroupe ces deux points. Pour citer deux exemples, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, les pieux seront dans des délices, c'est-à-dire le paradis. Et certes, les libertins seront dans une fournaise. Et certes, les libertins seront dans une fournaise. Et de même, Allah subhanahu wa ta'ala dit et indique ou annonce à mes serviteurs que je suis le très grand pardonneur et le très miséricordieux. Et aussi que mon châtiment est un châtiment douloureux. فنكتفي اليوم بهذا القدر وإن شاء الله في الأسبوع المقبل سنواصل ما بقي من الفوائد التي ذكرها أهل العلم إن شاء الله تعالى. Donc on va se contenter aujourd'hui de ce qu'on a vu. Inch'Allah, la semaine prochaine, on évoquera les autres points, les autres difficultés qui ont été mentionnées par les grands savants. Qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah les protège et préserve. Subhanakallah bihamdika.